ténèbres se sont emparées du village et ont tué le roi l'orfèvre. C'est un mauvais présage. Toute la garde royale a été décimée. C'était inévitable. En face étaient de grands guerriers. Ô monarque divin, je demande d'être aidé pour que peut-être demain nous puissions vivre en liberté. Pour combattre ce mal, je m'armerai de mailles, enfourcherai mon cheval et irai en bataille. Par la force de l'épée et la sagesse des anciens, je ramènerai la paix au nom de tous les miens. Ô monarque divin, je demande d'être aidé pour que peut-être demain nous puissions vivre en liberté. Pour être vainqueur de cette guerre et sauver notre honneur, pour venger tous nos pères qui ont péri avant l'heure, j'y mettrai toutes mes forces, mon courage et mon savoir. Et puis tel un colosse, j'écraserai tous ces barbares. Ô monarque divin, je demande d'être aidé pour que peut-être demain nous puissions vivre. Je jure d'être fidèle à ce serment d'épée pour perpétuer l'éternelle dynastie des guerriers. Même si je dois périr, que tel est mon destin, il me faut l'accomplir en mémoire des anciens. Ô monarque divin, je vous ai longuement prié et c'est grâce à votre soutien aujourd'hui nous sommes libérés.